Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau format proposé par l'association Femmes de droit. Retrouvez-nous chaque lundi soir pour aborder un thème sous forme de direct ici sur Twitch, retransmis quand tout va bien sur Instagram, sur notre site internet. Mais aujourd'hui, c'est un peu une journée compliquée puisque Instagram, Facebook et compagnie sont à l'arrêt. Ces directs sont enregistrés. Ils seront disponibles en retransmission sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes que vous avez envie de voir abordés dans ces directs. L'occasion d'ailleurs de vous dire que la semaine prochaine, nous allons parler des droits des patientes face aux actes gynécologiques et obstétricaux, et que la semaine d'après, donc dans 15 jours, nous allons aborder la thématique de l'inceste. Aujourd'hui, on est là pour parler, comme le titre l'indique, de grossophobie. On va parler de représentation sociale et médicale, de l'obésité, du surpoids et des conséquences pour les personnes concernées. Alors mon intervention va durer à peu près une petite trentaine de minutes, et puis après quoi je répondrai aux éventuelles questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas à déposer vos commentaires ou vos questions sur le chat. Je ne les lirai pas pendant mon intervention, mais par contre je ne manquerai pas d'y revenir à la fin. Alors avant de commencer à parler de la grossophobie, ben, ce serait bien qu'on commence par définir ce qu'est la grossophobie et se mettre d'accord sur le sujet dont on parle. Et donc, la grossophobie c'est quoi ? L'ensemble des attitudes, des comportements qui sont hostiles à l'égard des personnes en surpoids, grosses ou obèses. Ces comportements les stigmatisent, les discriminent dans différents aspects de leur vie quotidienne, comme l'emploi, les soins de santé, les relations interpersonnelles, l'éducation, l'image de soi. C'est une discrimination qu'on peut dire systémique, puisqu'elle fait partie d'un système, et ça va bien au-delà de la simple moquerie individuelle. Les personnes concernées, les personnes en surpoids, les personnes grosses, sont victimes de préjugés, mais en plus, ça a un impact, notamment sur leur employabilité, le fait d'être potentiellement employé à un emploi déterminé. Ça a un impact aussi sur leur qualité de vie, la relation qu'ils peuvent avoir aux autres. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi revenir sur le terme « gros ». Dans la suite de mon exposé, je vais beaucoup utiliser le mot, les mots « gros »,« grosse »,« personne grosse », pour parler des personnes en surpoids, grosses ou obèses. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, « gros », c'est un adjectif. C'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, et comme le disent certaines militantes, notamment je pense à Daria Marx sur le sujet, si vous ne la connaissez pas et que le sujet de la grossophobie vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Daria Marx, elle a un contenu de très grande qualité, mais donc comme elle le dit, on serait tous et toutes ravis d'avoir un gros compte en banque. Et personne ne se dirait, quand on dit « gros compte en banque », que le mot « gros » vise à rabaisser ou insulter ou dénigrer le compte en question, au contraire. Et donc voilà, « gros », c'est un adjectif. Par ailleurs, « en surpoids » ou « obèse », ce sont des qualificatifs médicaux. Le surpoids s'évalue par rapport à un poids standard, censé être dans la même fourchette pour tous les individus d'une taille donnée. C'est un peu absurde, hein, parce qu'en fait, il suffit d'être très sportif et très musclé pour être considéré médicalement comme en surpoids par rapport à cette fourchette. Enfin, c'est encore un autre sujet. L'obésité, par contre, c'est une pathologie au sens médical du terme. En tout cas, ça y fait référence. Et moi, ici, je ne veux pas parler de pathologie, je veux vraiment parler de la représentation des gros et des conséquences de la grossophobie sur le quotidien des personnes grosses. Et puis de la même manière, j'ai pas envie d'euphémiser le mot « grosse ». J'ai pas envie de passer par des mots comme « ronde »,« bien en chair »,« qu'est-ce qu'on a, pulpeuse »,« voluptueuse »,« avec des formes généreuses », tous ces petits mots qu'on essaie de placer pour faire comme si on n'était pas grosse, on est autre chose. Ben oui, on est grosse, c'est pas grave. Je souhaite, moi, vraiment me réapproprier le mot « grosse », qu'il redevienne ce qu'il est, c'est-à-dire un adjectif qualificatif, un adjectif qui qualifie une personne ou un objet, en l'occurrence une personne. Et donc, je suis brune, je suis blanche, j'ai les yeux brun foncé, noisette, et je suis grosse. Ni plus ni moins que la description factuelle de ce que je suis. Et ça me paraît important de pouvoir se réapproprier des mots auxquels on essaie de donner une signification qui ne sont pas les leurs à la base. Une signification qui n'est pas la leur d'ailleurs, quand on parle français correctement, mais il est 20h30. Bref, donc je me réapproprie le mot grosse, et pour en revenir à la grossophobie, les personnes grosses font l'objet de beaucoup de critiques, et ces critiques, parfois, se présentent sous forme de conseils bienveillants. Oh là là, je m'inquiète pour ta santé, est-ce que t'as déjà pensé à faire régime, est-ce que tu t'éviterais pas de manger ça, moi si j'étais toi, je mangerais pas ça, dis, j'ai pensé à toi, je me suis dit, t'as déjà pensé à supprimer les féculents le soir, moi je pense que tu vas perdre 10 kilos avec ça. Ces conseils, ils sont pas sollicités, on les a pas demandés, ils sont souvent très blessants, ils sont aussi blessants qu'inutiles. La plupart des personnes en surpoids, les personnes grosses, savent ce qu'elles doivent faire pour être en bonne santé, n'ont pas besoin de les infantiliser en leur expliquant des choses qu'elles savent déjà. Ça part peut-être d'une bonne intention de parler de régime aux personnes grosses, mais les études montrent que l'immense majorité des personnes grosses ont commencé par faire régime parce qu'elles avaient 1 ou 2 kilos de trop. Elles font régime, ça marche, elles perdent leurs kilos, puis le régime s'arrête, et les kilos reviennent, et puis d'autres kilos reviennent en plus, résultat, il faut donc perdre désormais 5 kilos. Et puis le processus recommence, et cette fois il faut perdre 10 kilos, puis 15, puis 20, et ainsi de suite. C'est la spirale infernale. Et pourtant les études scientifiques sont formelles. 95% des régimes équilibrés, je parle pas des régimes farfelus à base de « je mange de l'ananas pendant 15 jours », non, des vrais régimes censés être les bons régimes, la bonne façon de s'alimenter, les régimes restrictifs, eh bien 95% des régimes restrictifs sont un échec à 5 ans. On monte jusqu'à 99% quand on analyse les conséquences et les résultats de ces régimes à 10 ans. Alors il faut en conclure quoi ? Que les personnes grosses sont vraiment stupides au point de ne pas être capables de faire régime ou de tenir ça sur 5 ans. Puis elles le sont toutes, hein. Alors je veux dire, on a quand même là une majorité écrasante, c'est assez impressionnant. Et qu'est-ce que ça dit des personnes minces alors ? Que elles sont l'exception qui arrive à maintenir une perte de poids, bon, ça ferait quand même pas beaucoup de gens. 99% d'échecs, ça fait 1% de réussite, ça fait pas beaucoup de gens. Bien, en fait, on observe que la plupart des personnes minces n'ont pas de problème, enfin des personnes qui n'ont pas de problème de poids n'ont pas eu besoin de faire régime dans leur vie. Certains médecins, du coup, ont commencé à beaucoup s'interroger sur les raisons de cet échec si massif, et les connaissances en psychologie montrent que les régimes induisent des comportements restrictifs. Et les restrictions alimentaires, elles conduisent à des troubles compulsifs de l'alimentation, à des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle aussi TCA. Et les TCA les plus connus, c'est évidemment l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie aussi. L'hyperphagie, c'est quand on mange beaucoup mais qu'on ne vomit pas. La boulimie, c'est quand on mange beaucoup et qu'on vomit. Et l'anorexie, c'est quand on n'arrive pas du tout à manger. Pour simplifier, c'est évidemment un peu plus complexe que ça. Par ailleurs, un nombre vraiment important de personnes considérées comme obèses, obèses morbides, enfin avec un poids vraiment excessif, considérées comme excessives par la société et par la médecine, ont une alimentation tout à fait saine. C'est une alimentation qui respecte la pyramide alimentaire aussi bien en termes de qualité nutritionnelle qu'en termes de quantité. Ça, c'est assez étrange, parce que ça va quand même beaucoup à l'encontre de toutes nos représentations sur l'obésité. Hein, les obèses, ils sont grosses parce qu'ils mangent trop, ils mangent mal, ils passent leur vie à manger au McDo. Ah tiens, peut-être pas en fait, c'est bizarre, parce qu'en fait quand on analyse que mangent les personnes grosses, c'est pas tout à fait leur alimentation de base, en tout cas pour une partie non négligeable de personnes grosses. Et puis, pour en revenir au taux d'échec des régimes, c'est assez étonnant, pour ne pas utiliser un autre terme, de constater que c'est le seul traitement médical qui est proposé à une si large échelle, avec un taux d'échec aussi impressionnant. Je veux dire, nulle part ailleurs en médecine, les médecins continuent à proposer des traitements dont l'efficacité est à ce point faible, encore moins des traitements qui sont proposés comme ça à tout va, avec les conséquences pourtant qu'on connaît. Alors plus exactement, si il existe des traitements en médecine qui ont un très faible taux de réussite ou d'efficacité, généralement dans des maladies extrêmement graves, généralement les patients sont avertis du fait qu'il y a très peu de probabilité que ça marche, et généralement, c'est dans des pathologies suffisamment graves pour que on essaye le traitement avec peut-être 2 ou 3% de chances de réussite, ou bien on meurt parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Ici, c'est pas ce qui se passe avec les régimes, c'est quelque chose que les médecins proposent aux gens pour soigner, entre guillemets, des kilos en trop, alors même que c'est inefficace à court et à long terme, enfin à moyen et à long terme, et alors même que ça a tendance à augmenter les risques de développer la fameuse obésité sévère qu'on veut éviter. C'est assez absurde, en fait, comme système. Et puis, revenons d'ailleurs sur la question des dangers pour la santé des kilos en trop. Alors, de nouveau, avec beaucoup de guillemets pour kilos en trop. C'est vraiment assez étonnant de constater qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune étude scientifique visant à démontrer si l'obésité est un problème pour la santé. On a des études scientifiques, mais les études, elles montrent en quoi l'obésité est un problème pour la santé. Et vous allez me dire que je joue un peu sur les mots, hein, ça va, c'est un peu la même chose, c'est quoi la subtile nuance que tu essayes de poser? Eh bien, dans les études scientifiques, on connaît, il y a certaines choses qu'on connaît assez bien, notamment ce qu'on appelle le biais de confirmation, et aussi le fait que le chercheur a tendance à trouver des résultats qui vont dans le sens de ce qu'il cherche quand il est persuadé de quelque chose. Entendons-nous bien, je dis pas que les chercheurs sont tous des gens stupides, mais il y a une expérience assez célèbre qui a été menée avec des scientifiques à qui on donne, enfin deux groupes de scientifiques à qui on donne des rats. On dit au premier, ah là là, désolé, les rats, elles sont vraiment merdiques, hein. On n'a pas eu une super race, on a eu une race de rats, malheureusement, pas du tout adaptée pour cette expérience, mais il faudra faire avec, on n'avait pas le choix de faire autrement. Et au deuxième groupe, on leur dit à l'inverse, oh regardez, ces rats sont merveilleux, vous avez tellement eu de la chance, on a réussi à avoir la race parfaite pour l'expérience que vous devez mener. Évidemment, les deux groupes doivent mener la même expérience, et en réalité, il s'agit des mêmes rats. Et le premier groupe ne réussit pas à mener l'expérience jusqu'au bout, alors que le deuxième groupe y arrive. Vous pourrez trouver en faisant des petites recherches des sources un petit peu plus précises de ce que je viens de dire. Ça se trouve dans le livre de Zermati qui s'appelle « Maigrir sans régime ». Vous arrêtez pas au titre pourri. C'est un livre relativement intéressant, et j'y reviendrai d'ailleurs un tout petit peu après. Et donc, dans son bouquin, il y a les références de cette étude en question. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis alors, le biais de confirmation dont je vous parlais, c'est le biais qui a comme conséquence que... quand on est face à une situation, on a tendance à se souvenir bien plus des éléments qui confirment nos présupposés. Et ce biais va aussi nous inciter, inversement, à ne pas tenir compte de toutes les informations qui vont à l'encontre de nos préjugés et des informations qu'on pense acquises. Notamment, pour donner un exemple très basique, un peu lointain du sujet qui nous occupe, si vous êtes persuadé que les conducteurs de BM sont tous des connards, à chaque fois que vous allez voir un conducteur de BM qui fait un truc merdique par rapport à la circulation, vous allez le voir, vous allez dire « Bon, évidemment, un conducteur de BM, mais c'est tous des connards. » Alors qu'en fait, vous croisez plein de conducteurs de BM qui ne font absolument aucun écart de conduite et qui conduisent aussi bien que les autres voitures, et cela, vous n'allez pas les repérer, parce que votre cerveau ne va pas se dire « Oula, un conducteur de BM qui fait des choses bien, à moins qu'il y ait un truc particulièrement exceptionnel. » Et donc, ça va venir vous confirmer l'idée que tous les conducteurs de BM sont des gens merdiques au volant, puisque à chaque fois que vous constatez un conducteur de BM, il conduit mal. Mais en réalité, c'est juste que là, vous le remarquez, que votre esprit ne se focalise pas sur toutes les autres fois où ce n'est pas le cas, les fois où le conducteur merdique, en fait, c'est pas un conducteur de BM, ou bien les fois où les conducteurs de BM conduisent normalement. Et donc, quand les chercheurs se disent quels sont les risques pour la santé de l'obésité, en fait, ils partent du principe que l'obésité est un problème pour la santé. Ils se demandent pas si l'obésité est un problème, ils se demandent à quel point c'est un problème. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, ça induit un biais d'analyse et un biais, oui, c'est ça, d'analyse dans les études qui sont proposées sur le sujet. Et à ce sujet, j'ai envie de vous parler d'un bouquin que je trouve vraiment très très chouette. Ça s'appelle, alors c'est en anglais, hein, désolé, What's Wrong with Fat, d'Abigail Sagi. Je mettrai les références évidemment en description sur YouTube. Mais donc, dans ce bouquin, elle explique bien que, du coup, on a vite tendance à prendre pour de la causalité ce qui ne sont que des corrélations. Et donc, quand on voit un lien de corrélation entre un problème de santé et le poids, on en déduit que c'est à cause du poids que le problème de santé existe, alors que peut-être que c'est à cause du problème de santé que le poids existe, et peut-être même que c'est la même cause qui fait qu'il y a le problème de santé et qu'il y a le surpoids, mais que ce n'est pas le poids en tant que tel qui cause ce problème. Or, puisqu'on part du principe que l'obésité est un problème, eh bien, les études ont souvent tendance, quand elles voient une corrélation entre un problème de poids et un problème de santé, à faire un lien de causalité et à en déduire un lien de causalité, ce qui est évidemment hyper problématique pour la prise en charge des personnes grosses. Et puis, toujours par rapport à la question des personnes grosses, se pose aussi, par rapport à la santé des personnes grosses, se pose aussi la question des opérations bariatriques. Les opérations bariatriques, ce sont toutes ces opérations de l'estomac ou des intestins qui visent donc à réduire soit l'estomac, soit une partie du chemin du système digestif pour réduire l'absorption de calories d'un aliment donné, pour diminuer l'absorption et diminuer la quantité de nourriture absorbée. Et concrètement, à court terme, ça marche. C'est-à-dire que le taux de réussite à 1 an, 2 ans est assez impressionnant. Alors, pas chez tout le monde, déjà, premièrement, mais globalement, un taux de réussite bien plus important que les régimes. Et pourtant, quand on commence à observer les chiffres à 5 ans ou à 10 ans, on commence à avoir des chiffres assez similaires aux résultats qu'on obtient à 5 ans ou 10 ans pour les régimes. Il n'est pas rare que des patients passent par une opération, puis une deuxième, puis une troisième, parce que, eh ben, ça n'a pas abouti et qu'il y a eu une perte de poids, mais il y a eu une reprise de poids par la suite. Et donc, ça reste un taux d'échec vraiment important. Alors que, en parallèle, ces opérations peuvent largement réduire l'espérance de vie des personnes concernées, sans parler du fait que ça réduit aussi la qualité de vie des personnes concernées. Et donc, et pourtant, les opérations bariatriques sont proposées, de nouveau, à très large échelle, à des personnes pour qui c'est pas du tout conseillé, par exemple. Donc voilà, il y a des fraudes énormes aux opérations bariatriques qui sont faites sur des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin, mais voilà, on va quand même leur proposer. C'est vraiment tout un business qui est hyper problématique en termes de santé publique, et pourtant, c'est complètement banalisé. À ce sujet, il y a un bouquin que j'ai trouvé génial, que j'ai lu en une après-midi, qui s'appelle « On ne naît pas grosse » de Gabrielle Dédier, et elle aborde ces questions-là notamment. Elle parle de son expérience, et puis elle va aller plus loin et essayer d'analyser, d'aller plus loin que juste sa propre expérience pour essayer de comprendre si c'est elle qui est vraiment merdique ou s'il y a autre chose de plus important derrière. Et alors, dans tout ce que je viens de dire, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? On doit inciter les gens à devenir ou à rester gros ? Alors, en fait, soyons clairs. L'immense majorité des personnes grosses n'ont absolument pas envie d'être grosses, elles se complaisent pas là-dedans, elles essayent de tout faire pour ne plus être grosses, et puis elles y arrivent pas, et elles sont coincées dans ce truc qui est assez violent, et notamment violent à cause de tout ce que la société impose à ces personnes. Puis, un surpoids n'impose pas forcément un problème de santé. N'implique pas forcément, pardon, un problème de santé. On peut être en surpoids et être en excellente santé, tout comme on peut être en sous-poids et être en très mauvaise santé. Et puis à cet égard, du coup, j'ai envie de vous parler d'un monsieur qui a complètement changé ma vie. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'est monsieur le docteur Jean-Philippe Zermati. Il a publié un bouquin qui s'appelle « Maigrir sans régime ». Le titre est vraiment pourri, mais c'est hyper intéressant d'aller décortiquer, de comprendre ce que c'est les régimes, l'impact des régimes sur la santé. Il a écrit un autre bouquin qui est vraiment assez intéressant aussi. Ça s'appelle « Osez manger ». Libérez-vous du contrôle. C'est un petit bouquin, il se lit aussi relativement vite, une écriture assez facile, assez abordable, assez légère, et qui permet d'obtenir des pistes. En gros, ce que dit Zermati, alors pas Zermati tout seul d'ailleurs, hein, avec d'autres docteurs, il a créé un groupe, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, le GROS. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le GROS sur leur site internet, gros.org. Et donc, ils ont notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Traiter l'obésité et le surpoids » qui permet de revenir sur c'est quoi l'obésité, c'est quoi le surpoids, c'est quoi le problème. Et grosso modo, ce que dit Zermati, c'est qu'on essaye de mettre de la rationalité là où on pourrait faire confiance à notre corps. En fait, les personnes qui n'ont pas de problème de poids et qui n'en ont jamais eu, eh ben, elles savent quand elles ont faim et elles savent quand elles ont plus faim. Et elle respecte cette sensation de faim et de satiété. Et le problème, c'est qu'en fait, tous les régimes alimentaires ont tendance à venir contrecarrer tout ça. C'est un petit peu la même chose qui se passerait avec la respiration. C'est-à-dire qu'on sait que techniquement, il faudrait qu'on consomme un certain nombre de litres d'oxygène sur une journée. On peut aussi se dire, tiens, sur une journée, on fait autant d'inspiration et d'expiration. Eh bien, à chaque inspiration, on devrait avaler, inspirer un certain volume d'oxygène. Alors vous imaginez, si on mesurait le volume d'oxygène, on essaierait d'être toujours un peu plus, un peu moins, enfin, en fonction, pour arriver à ce truc qui est la moyenne de ce qu'on devrait respirer par jour, et évidemment, en fait, on serait tout le temps essoufflé. C'est-à-dire qu'on respirerait trop ou pas assez, parce que quand je suis assise ici en train de parler, j'ai pas besoin d'autant d'oxygène que quand je suis en train de courir ou marcher, j'ai pas besoin de la même quantité d'oxygène que quand je suis en train de lire un livre au calme, j'ai pas besoin de la même quantité d'oxygène que quand je dors, et tout ça fait que je ne vais pas avoir les mêmes besoins au même moment, et même d'une journée à l'autre, je ne vais pas avoir les mêmes besoins en quantité d'oxygène. Et ça reviendrait à l'idée de personne de se dire qu'il faut mesurer la quantité totale d'oxygène qu'on inspire à chaque inspiration ou chaque expiration. Pourtant, avec la nourriture, c'est ce qu'on fait. À ce sujet, il parle d'une expérience qui a été menée, que je trouve très intéressante, avec des groupes d'enfants qui ont, si mes souvenirs sont exacts, maintenant ça fait quand même quelques années que j'ai lu ce bouquin, ça remonte à un peu plus de 10 ans, mais ces enfants ont à peu près 5 ans, et pendant plusieurs jours, ils vont pouvoir avoir accès, chaque repas, en fait, ils vont le passer dans un buffet, dans un endroit où il y a un buffet à volonté. Et dans ce buffet à volonté, il y a des tas de biscuits, bonbons, chocolat, des différents féculents, différents légumes et différentes protéines animales, végétales proposées sous différentes formes, et les enfants peuvent manger exactement ce qu'ils veulent, et il n'y a pas d'adultes, hein, c'est important. Alors évidemment, le premier jour, il n'y a pas d'adultes, ils sont tout contents, ils regardent partout, et ils foncent vers les biscuits, les chocolats, et les enfants ne mangent que ça. Le dernier jour, aucun enfant ne touche, ou quasi, si mes souvenirs sont exacts, au moindre biscuit, au moindre chocolat. Et en fait, il y a des caméras qui filment ce que chaque enfant mange, qui suit les enfants et qui évalue les quantités mangées par chaque enfant. Et assez paradoxalement, sur les 2 semaines que dure l'expérience, la totalité des enfants, sans exception, a respecté la pyramide alimentaire. Et donc, peut-être que, au lieu de faire des restrictions cognitives qui ont tendance, donc quand on se restreint, quand on s'empêche de manger quelque chose, ça donne envie encore plus d'en manger. Eh bien, peut-être qu'on pourrait juste s'écouter et arrêter de vouloir s'interdire des aliments et simplement les manger à sa faim et les manger quand on a faim et arrêter d'en manger quand on n'a plus faim. Et ça, ça va mettre en parallèle avec la pleine conscience, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on est en train de manger. Quand on mange, il y a différentes hormones qui se produisent, qui se préparent, qui font partie du fonctionnement du système digestif, et en fait, entre autres, on peut avoir des hormones qui font qu'on se sent bien. Et du coup, quand on n'est pas bien, on peut se dire, oh là là, inconsciemment en fait, on se dit, j'ai besoin de cette hormone pour me sentir bien, cette hormone, comment je peux l'avoir? En mangeant, je vais manger. C'est ce qu'on appelle le manger émotionnel, le manger qui nous permet de nous sentir mieux. Eh bien, le problème, c'est que quand on mange des aliments, alors c'est plutôt des aliments gras et sucrés qui vont permettre la production la plus importante de cette hormone-là. Mais quand on mange ces aliments gras et sucrés tout en culpabilisant, eh bien, ça vient contrecarrer la production de cette hormone dans le corps. Et donc, on a besoin d'une quantité beaucoup plus importante de cet aliment pour avoir la dose d'hormone dont on aurait besoin. Pour vous donner une petite idée, il y a des biscuits que j'adore, que je trouve juste géniaux. Et bien, avant de découvrir ça, le fait de manger en pleine conscience, je pouvais m'avaler une cinquantaine, soixantaine de biscuits sur la soirée. Et j'arrêtais de manger parce que, objectivement, c'était beaucoup trop de biscuits, mais j'en mourais encore d'envie. Et bien, aujourd'hui, quand j'ai envie de ces biscuits, je prends le biscuit, je le déguste, je le savoure et j'en profite. Et je me concentre sur tout le plaisir que je ressens à manger ce biscuit. En fait, au bout de deux biscuits, j'ai plus envie de biscuits. C'est pas que je me dis, il faut pas que je mange plus. En fait, j'en ai plus envie. Mon envie a été assouvie par ces deux biscuits. Et ça, c'est vraiment tout le principe de la pleine conscience. Et donc, je vous invite à aller lire les livres de Zermati et Apfeldorfer sur ce sujet parce que c'est vraiment hyper important. Et notamment, ils en viennent à ce qu'on peut appeler le poids d'équilibre. Et le poids d'équilibre, c'est pas un poids théorique. Et en fait, le poids d'équilibre de deux personnes qui ont la même taille ne va pas être le même en fonction de l'activité physique, mais aussi en fonction de la génétique, en fonction des antécédents médicaux, en fonction de toute une série de choses. Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on a quand on est en bonne santé. Eh bien, le poids d'équilibre d'une personne à une autre varie. Et donc, l'objectif, c'est pas de se dire, tiens, moi je mesure 1m65, il faudrait que je pèse 55 kilos. Non, en fait, l'idée c'est je mesure 1m65, oui, si tu veux. En fait, il faudrait que je pèse le poids qui permette à mon corps d'être dans la meilleure santé possible. Et peut-être que maintenant que j'ai atteint un poids relativement important, puisque je suis aux alentours de 135 kilos maintenant, bah, peut-être qu'en fait mon poids d'équilibre il se situe, j'en sais rien, j'invente, mais peut-être autour de 100 kilos, mais probablement pas autour de 55 kilos, et c'est pas grave, l'objectif c'est d'être en bonne santé, et c'est pas juste de rentrer dans un standard de beauté. Et à ce sujet, il y a un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé vraiment intéressant, même si je n'adhère pas à tout, c'est le bouquin qui s'appelle « Le poids et moi » du professeur Bernard Westphal. Et laissez-moi lire le premier paragraphe de la quatrième de couverture, parce que ça m'a parlé. « Il n'y a pas de problème de poids, nous dit l'auteur de ce livre. 3 kilos de trop, n'est-ce pas plutôt une question d'image, d'exigence personnelle? Oui, mais 100 kilos de trop, est-ce que c'est encore simplement un problème de poids ?» Et je pense que tout est dit. C'est-à-dire que, en fait, le poids, c'est juste un chiffre sur une balance qui ne veut encore rien dire sur la personne. Et si ce chiffre est un problème, c'est peut-être parce qu'en fait, il y a autre chose derrière. Après, c'est pas mal de psychanalyse. Donc voilà, je préviens les âmes sensibles et réfractaires à la psychanalyse. Il y a des choses qui peuvent heurter les âmes sensibles. N'empêche qu'il pose des questions qui sont intéressantes. Je suis pas toujours d'accord avec les réponses qu'il donne, mais je trouve qu'il pose des questions intéressantes. Et puis, ça fait lien, ce truc d'être en bonne santé avec du poids, pas du poids. J'arrive bientôt à la fin de ma présentation. Ça fait le lien avec les conséquences des représentations de l'obésité sur la vie des gens et notamment la santé des personnes. Moi-même, par exemple, lors d'un rendez-vous avec une gynécologue, j'ai eu le plaisir, notez les guillemets, d'entendre, durant toute la consultation, des phrases du genre « Mais vous avez déjà pensé à faire régime ? Et ce régime-là, vous avez déjà essayé ? Oui, mais et ça, vous avez déjà essayé ? Et est-ce que vous avez déjà essayé de supprimer tel aliment ?» Et alors que je venais pour un problème gynécologique, en fait. Elle n'a jamais répondu à aucune de mes questions pendant tout le temps de la consultation, et au moment de se dire au revoir, elle m'a serré la main, on n'était pas encore en période Covid, hein, elle m'a serré la main et elle m'a dit ces mots qui, aujourd'hui encore, restent marqués dans ma mémoire. Elle m'a dit « Oh, vous avez l'air d'une femme intelligente. Votre poids, c'est dommage. Mon poids, c'est dommage. Mon poids, c'est dommage. C'est quoi le lien entre mon poids et ma prétendue intelligence ? Et c'est en quoi mon poids est dommage par rapport au fait que j'ai l'air intelligente ? Eh bien oui, parce qu'en fait, il y a ces représentations que les personnes grosses, les personnes obèses, elles sont pas très fut-fut, hein. Elles n'ont pas beaucoup de volonté, elles sont pas très brillantes, elles sont un peu paresseuses aussi, hein. Voilà. Qui a envie d'employer quelqu'un qui est paresseux ? Qui a envie d'employer quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté ? Qui a envie d'employer quelqu'un qui n'est pas très fut-fut ? la personne en fait. Et donc, on observe aujourd'hui que les personnes grosses ont plus de difficultés à obtenir un emploi à compétences et expériences équivalentes qu'une personne qui n'est pas grosse. Ça a quand même des conséquences vraiment graves, ces stéréotypes. C'est pas juste pas chouette. Il y a quand même des trucs qui sont vraiment, vraiment graves. Et puis, de manière générale, la médecine n'est pas adaptée aux personnes grosses. Donc, c'est pas rare non plus de se retrouver chez un médecin et que ce médecin doive nous prendre notre tension, et en fait, il n'a pas de brassard adapté pour le tensiomètre. Et de nouveau, on peut se dire, oui, et... la conséquence, c'est qu'en fait, les chiffres qui apparaissent sur le tensiomètre sont beaucoup plus élevés que la réalité. Et donc, on diagnostique comme ça de l'hypertension à des gens qui n'en ont pas, et quand bizarrement, ils vont à l'hôpital, où généralement, on trouve plus de tensiomètres adaptés, eh bien, non, madame ou monsieur n'a absolument pas de problème d'hypertension. C'est pas rare non plus que des patientes doivent appeler plusieurs structures hospitalières avant de trouver un endroit où pouvoir subir une IRM dans du matériel adapté à leur poids, parce qu'en fait, le poids moyen supposé est de 80-100 kg, et donc quand on dépasse ces poids-là, c'est bien difficile de pouvoir subir une IRM dans toute une série d'endroits. C'est bien difficile de pouvoir tenir sur la table d'auscultation qui n'est pas assez large et qui ne permet pas de tenir les bras de la patiente ou du patient. Et puis, il y a aussi tout un problème de retard de diagnostic, puisque quand on va chez le médecin, par exemple pour un problème ici de gynéco, comme je vous parlais, mais de manière générale, et quand le soignant se focalise sur le poids, eh bien, il passe à côté. De nouveau, pour parler de mon expérience, j'avais des douleurs au genou quand j'étais adolescente, et ces douleurs étaient évidemment liées au fait que j'étais trop grosse. Hein. Sauf qu'en fait, 7 ans après l'apparition de ces douleurs qui étaient intenables, qui n'étaient pas liées à mes prises de poids ou à mes pertes de poids, qui disparaissaient sans que je ne sache trop comment, et qui arrivaient sans que je ne sache trop comment non plus d'ailleurs, bien on a découvert que ma rotule, elle se déplace légèrement et qu'elle vient coincer un nerf au niveau du genou. Et en fait, il suffit d'un petit massage au niveau de la rotule pour en un coup supprimer cette douleur qui est intenable sans que je perde le moindre gramme. Hein. Enfin, juste on bouge ma rotule et pourtant... Eh bien, pendant des années, je n'ai pas été soignée, je n'ai pas été prise en charge par des kinés, parce que c'était juste un problème de poids. Alors là, c'est un truc relativement léger, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves et des retards de diagnostic qui impactent la santé des personnes concernées. Et puis enfin, la société, elle est quand même vraiment violente avec les gens gros. C'est pas rare de se retrouver dans l'espace public et que des parfaits inconnus viennent vous faire des remarques, vous dire des choses sur la façon dont vous vous alimentez. Je me rappelle de quelqu'un qui un jour est passé à côté de moi à arracher le chocolat que j'étais en train de manger pour le mettre à la poubelle et m'a dit « c'est mieux pour vous ». De quoi ? Vous ne se connaissez pas en fait ? Un jour aussi, une dame, j'étais en train de manger un sandwich, il était 15h, elle s'est assise à côté de moi et m'a dit « oui mais non, évidemment que vous êtes grosse, comment voulez-vous ne pas être grosse en mangeant un sandwich à cette heure-ci ? Non, mais il ne faut pas manger entre les repas. Hein. » C'était la première chose que j'avalais depuis la veille au soir, parce que j'avais absolument pas eu le temps de manger quoi que ce soit avant. Et j'étais là en train de manger mon sandwich et avoir cette dame qui me disait qu'il fallait que j'arrête et que j'arrête de manger. C'est dur, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai du répondant, j'ai de l'expérience. J'avais une vingtaine d'années quand ça m'est arrivé. J'avais pas le répondant et la force que j'ai aujourd'hui pour pouvoir faire face à tout ça. Et malheureusement, ces expériences-là, elles sont pas isolées et toutes les personnes grosses peuvent faire état de l'une ou l'autre expérience du même domaine. Et j'en arrive à la fin de ce que je voulais dire, puisque j'avais envie maintenant, dans les petites feuilles que j'avais préparées, j'avais envie de vous parler de l'espace public, parce que il y a les personnes dans l'espace public, et puis il y a l'espace public en tant que tel. Encore une fois, moi c'est assez fréquent de pas pouvoir aller dans n'importe quel café ou dans n'importe quel restaurant, parce qu'en fait, il y a des accoudoirs, et que mon auguste postérieur ne rentre pas entre les accoudoirs de la chaise, et que donc je ne peux pas m'asseoir dans cet établissement et consommer. Et je sais bien hein, que c'est pas quelque chose de volontaire, je crois bien en tout cas, mais les conséquences sont là, certains cinémas sont pas adaptés aux personnes grosses, dans les transports en commun, c'est pas adapté aux personnes grosses, certains ascenseurs ne sont pas adaptés aux personnes grosses, et ça a vraiment des conséquences importantes pour toutes les personnes qui subissent ça. Et puis, et je termine par ça, avant de lire les commentaires, Eh bien, d'un point de vue juridique, la grossophobie, ce sont des discriminations qui sont liées à l'état de santé de la personne et c'est interdit. C'est interdit notamment par les lois de 2007 relatives à la discrimination. Et donc, si vous êtes victime de grossophobie, au niveau médical, il y a des choses que vous pouvez faire, mais si vous êtes victime de grossophobie de manière générale, n'hésitez pas à contacter des juristes spécialisés, par exemple dans notre association, pour pouvoir avoir des conseils juridiques et pouvoir vous défendre face à ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais à présent voir s'il y a des commentaires. Bonjour Mina Mia, bonjour à toi aussi. Qu'est-ce que je pense du body positif? Merci, c'est une très bonne question. Parfois on me dit que le body positif c'est une façon de valoriser et de justifier l'obésité, le surpoids et d'inciter les gens à être gros. Alors que en fait le body positif, ça incite plutôt les gens à juste s'aimer comme ils sont, à se respecter tels qu'ils sont. Et je pense que c'est vraiment absolument essentiel de passer par ce mouvement. Alors je sais que le mouvement body positif a été beaucoup repris par des femmes qui n'ont absolument aucun problème de poids, aucun problème de corps. Quand ce sont des personnes qui sortent de la norme et qui font du body positif, je trouve que c'est hyper important. Quand c'est des personnes qui sont complètement dans la norme et qui remontrent des vidéos d'elles en train d'être tout à fait... tout ce que les autres personnes qui ont des problèmes enfin, qui sont grosses ou qui ont d'autres formes de handicap visibles ou invisibles, c'est un peu compliqué. N'empêche que je pense que c'est vraiment essentiel de développer ce mouvement-là, parce que plus les personnes ont une bonne image d'elles, plus elles se respectent et moins elles sont à risque de développer toute une série de comportements alimentaires addictifs et autodestructeurs. Et donc, le body positif a plutôt tendance à aider les gens à arrêter de se faire du mal, et donc en ça, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Et la suite, bonjour Mardar98, merci d'aborder ce sujet intéressant. Pourquoi est-ce que la société accepte si peu les gros? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, je pense que vraiment ça vient de cette représentation qu'on a forcément, il faut pas être, enfin, pour être en bonne santé, on va revenir historiquement. En fait, avant, quand on parle du début de l'histoire humaine, la déesse de la fertilité, elle est grosse, hein, elle est très très grosse. Hein, j'incarne le corps de la déesse de la fertilité, soyons très clairs. Comme quoi, l'obésité, même massive comme je peux l'être, existait déjà à cette période-là. Comment est-ce qu'on aurait pu représenter ça, puisque le corps ne grossit pas partout de la même façon, or les proportions sont tout à fait réalistes, donc visiblement, dès le début de l'histoire humaine, il existe des femmes et des hommes gros au point qu'on valorise la grosseur et l'obésité. Et en fait, c'est pendant longtemps, c'était compliqué d'avoir accès à une alimentation et seules les personnes qui étaient d'un certain niveau social avaient accès à une alimentation suffisamment riche leur permettant d'avoir... un corps plus gros que les autres personnes qui n'avaient pas cette capacité-là. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Alors, on sait que ce qui impacte le poids, c'est quand même aussi la qualité de ce qu'on mange, au-delà de la quantité. Et on sait que dans les produits industriels, qui sont les produits les moins chers, qui sont les produits les plus faciles à acheter, à consommer, et bien dans ces produits, il y a plein d'additifs et qui ont un impact certain sur la santé et aussi sur le poids. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt les personnes les plus aisées qui ont accès à l'alimentation la plus saine et qui peuvent être le plus dans le contrôle et dans le fait de montrer qu'elles gèrent et qu'elles sont tout à fait adaptées aux diktats, aux normes de notre société aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment, je pense, un problème de classe, de classisme, de dédain de classe par rapport au poids, et aussi un problème de représentation. On est gros parce qu'on mange trop et qu'on mange mal. Hein. Ce truc, par exemple, de les gros vont tout le temps au McDo. Hein. D'ailleurs, il y a eu ce type-là qui a mangé pendant, je crois, un mois au McDo, qui a pris je sais pas combien de kilos et qui était en santé catastrophique après ça. Et pour contrer ça, Zermati, enfin le groupe de Zermati, je crois pas que c'est Zermati qui a mené le truc, mais dans son groupe-là, ils ont mené la même expérience, sauf que cette fois, ils ont demandé à la personne de respecter sa satiété, sa faim, ses envies. Et donc sur la carte du McDo, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, mais que au McDo, matin, midi et soir. Enfin, je sais plus si c'était la marque McDo ou pas, d'ailleurs, on s'en fout, mais dans un fast-food, matin, midi et soir. Et en fait, au bout du mois, en mangeant en pleine conscience, en respectant sa satiété et sa faim, la personne a perdu 10 kilos et ses résultats sanguins étaient globalement... Bon, alors pas excellent, mais globalement, ni moins bon, ni meilleur, d'ailleurs, qu'avant le début de l'expérience. Ce qui montre bien que, non, c'est pas le fait de manger au McDo qui est problématique. Par contre, manger trop au-delà de sa faim, bah oui, ça a un impact. Mais on a donc cette représentation que les gens gros sont gros parce qu'ils mangent trop et qu'ils mangent mal et puis qu'ils sont un peu bêtes, hein. Au lieu de manger une salade, ils vont manger un gros hamburger au McDo, quoi. Et donc, s'ils sont un peu bêtes, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'ils méritent d'être respectés? On n'a pas le droit d'être un peu méprisant avec les gens bêtes? Et bon, d'abord, je pense que non. Mais visiblement, pas mal de gens dans la société pensent que oui. Je fais pas mal un lien entre tout ça. Et puis, diviser les gens en catégories et rabaisser une des catégories au profit d'une autre, c'est quand même une façon de diviser les gens entre eux, et diviser pour mieux régner, ça marche bien aussi. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, n'hésite pas à compléter si tu en as d'autres. Mina, tu te demandes, est-ce que le fait de culpabiliser les personnes individuellement, c'est pas aussi un moyen de déplacer le problème sur la personne et pas sur la société? On sait par exemple que ce sont les personnes les plus pauvres qui souffrent le plus de l'obésité, et oui, c'est exactement le lien avec ce que je disais, c'est qu'on vient dire que c'est individuellement les gens qui sont trop cons pour manger convenablement, alors que, bah, globalement, non, en fait, la nourriture accessible à ces gens est une nourriture qui est bourrée d'additifs, qui est bourrée de sel, qui est bourrée de gras, qui est bourrée de sucre, là où c'est pas nécessaire et où en fait c'est très bon quand il n'y en a pas. Et cette alimentation, elle est vraiment de très mauvaise qualité, mais elle est très bon marché, elle est très facile d'accès, et on préfère culpabiliser les gens. Et clairement, aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique, on peut manger de très bonne qualité, sans payer des sommes dingues, mais ça demande beaucoup de temps de préparation. C'est-à-dire que oui, en mangeant, en achetant des fruits et des légumes directement chez les producteurs, directement à la ferme, dans des gazaves, dans des coopératives, on peut avoir un budget alimentaire même moins cher qu'en consommant chez Lidl. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vécu ici, on est 5, on a divisé notre budget on a à peu près, je dirais, entre 2/3 et 3/5 du budget qu'on avait avant au niveau alimentaire, alors qu'aujourd'hui on ne consomme que des choses qui viennent de la boucherie et des coopératives. On consomme très peu de choses qui viennent de grandes surfaces, ou rarement en tout cas. Or, avant, on consommait énormément de choses qui venaient de Lidl parce que c'est pas cher et parce qu'on n'avait pas beaucoup le choix. Et en fait, c'est beaucoup plus facile quand on travaille tous les deux à temps plein et qu'on est épuisé de prendre un truc tout fait chez Lidl, mais qui en fait, au niveau de la qualité nutritionnelle, est dramatique, pose problème au niveau de la santé. Et oui, avoir ses légumes à devoir laver, éplucher, couper, s'en occuper, ça prend du temps. Et ce temps-là, les personnes les plus précarisées, elles ne l'ont pas en fait. Quand on cumule 2-3 jobs, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Et ça, c'est aussi une des causes de la mauvaise santé, qui, à mon sens, n'est peut-être pas en corrélation, c'est peut-être pas le poids qui est en corrélation avec la mauvaise santé de ces gens, mais la mauvaise alimentation et la mauvaise qualité alimentaire disponible pour ces personnes, qui impactent et la mauvaise santé et le poids. Mais encore une fois, oui, on focalise sur les comportements individuels alors qu'il y a quand même un problème de société, surtout quand on voit les quantités astronomiques de nourriture qui sont jetées chaque année. Enfin, c'est juste un énorme gâchis. Est-ce qu'inclure plus de personnes grosses dans certains secteurs comme celui de la mode pourrait permettre une meilleure acceptation? Et quelles seraient les solutions pour diminuer la grossophobie? C'est une excellente question aussi, merci beaucoup. Alors oui, je pense qu'on manque de représentation de femmes grosses. Alors les personnes grosses dans les représentations médiatiques, soit c'est des méchants idiots, soit c'est des gentils bénés. Hein, donc c'est Ça y est, j'ai oublié son nom. Dans le livre de la jungle, Balou, gentil Benet. Soit c'est Ursula, non, Médusa, pardon. Ursula, Médusa, je ne sais plus son nom, mais la méchante dans Ariel, la petite sirène. Voilà, ça c'est vraiment les deux archétypes des personnes grosses qu'on voit. Et de manière générale, dans les séries, c'est souvent ça qui est représenté, ce qui participe évidemment à... aux représentations qu'on peut... Ursula, merci. Aux représentations qu'on peut avoir des personnes grosses. Et avoir des personnes qui sont grosses, mais c'est juste un élément, et en fait, elles font plein d'autres choses, ce serait hyper important. C'est la même revendication qu'on a pour les personnes bisexuelles, homosexuelles, les personnes handicapées, enfin, que les personnes noires, enfin, je veux dire, dans les séries américaines, on a toujours le noir qui joue le rôle du noir, bah peut-être qu'en fait, il pourrait juste jouer... Il pourrait être noir et en même temps jouer le rôle bah, qu'il joue, parce qu'en fait, il est juste un excellent acteur et que c'est très bien. Et on devrait pouvoir faire pareil avec les personnes grosses, en tout cas toutes les personnes qui sortent de la norme, parce que ça permettrait d'avoir une meilleure représentation de la diversité des corps et de trouver ça beaucoup plus normal. Est-ce que ça impacterait la grossophobie? C'est pas tout à fait votre question, mais je pense quand même... est-ce que ça pourrait diminuer la grossophobie, ou quelles seraient les solutions pour diminuer la grossophobie? On peut être gros et grossophobe. Moi, je suis grosse et grossophobe. Alors, je vous rassure, je me soigne, j'essaye d'améliorer ça et de déconstruire mes préjugés grossophobes. Pendant des années, je trouvais qu'être grosse, c'était moche, c'était laid. Comment est-ce qu'on peut trouver ça sexy ou attirant ou... Et en fait, il a fallu que je fasse beaucoup de travail et que je me force à regarder des images de personnes grosses dans différentes situations pour pouvoir petit à petit l'intégrer dans ma normalité. Et aujourd'hui, je ne trouve pas que les corps gros soient laids ou dégueulasses comme je pouvais le sentir avant. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est construit grâce aux représentations que je me suis créée moi-même de personnes grosses autour de moi. Et donc je pense que ça pourrait vraiment jouer sur la grossophobie, venir déconstruire un peu les stéréotypes qu'on peut avoir. Ah oui, tiens, cette femme est grosse, mais en fait, elle est pas mal sexy. Ce mec est gros, quand même, il est intelligent. En fait, cette personne est normale dans tous les sens du terme. Il est gros et juste... Voilà, il est brun, brune, et elle est grosse, bon, voilà, on s'en fout, c'est pas un élément important. Mais pour que ça devienne un élément pas important, il faut que ça devienne un élément qui fasse partie de la normalité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je ne vois plus d'autres interventions sur le chat, donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, mais c'était un vrai plaisir d'être ici. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, parce que vous voyez cette vidéo en décalé, notamment merci Instagram et Facebook, mais donc si vous voyez cette vidéo sur les réseaux sociaux ou si vous la voyez sur YouTube, n'hésitez pas à poster des commentaires, à liker la chaîne, à partager, à nous faire des retours sur ce que vous trouvez chouette, moins chouette, pour qu'on puisse nous améliorer et que ça puisse devenir un petit rendez-vous hebdomadaire sympa pour tout le monde. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté et à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.